Les corbeaux. Quand il eut fini sa soupe, le père Camus repoussa son assiette et, les coudes sur la table, les poings au menton, il se mit à regarder l'âtre fixement, suivant les lueurs et les ombres que la flamme étalait sur les cendres. Au fond de la salle, sa femme allait et venait, remuant les plats, rangeant les assiettes. Une nappe de lumière descendue de la petite lampe coiffée de son abat-jour vert flottait entre le plancher et le plafond rayé de poutres sombres, éclairant seulement ses jupes et ses hanches. Elle ferma le buffet, repoussa les tiroirs et demanda « Tu ne veux pas autre chose ?»« Non, » fit Camus. Et il se mit à siffloter un air entre ses dents. La femme écarta un rideau, colla son front à la vitre, revint auprès de la table et s'assit. « Tu ne dis rien ? À quoi penses-tu » Il laissa tomber sur elle un regard trouble et dit lentement « À quoi je pense ?» Puis sa voix changea et il acheva d'un ton détaché. « Je pense qu'il ferait bon rester ici au chaud, mais qu'il n'est pas loin de 9 heures et qu'il me faut partir si je ne veux pas manquer mon train. » Il passa un manteau, enfonça sa casquette sur sa tête, prit sa trique dans un coin et s'arrêta une seconde sur le pas de la porte. « Tu n'auras pas peur toute seule ?» Elle se mit à rire. Il releva d'un coup d'épaule son caban qui glissait. « Alors je m'en vais. Ne m'attends pas avant demain soir. » La nuit était profonde et calme. Le chemin, blanc de neige, se confondait avec les champs. Au lieu de descendre droit devant lui, vers le village dont les feux brillaient au fond de la vallée, il prit par un sentier, se retournant de temps en temps vers sa maison, qui semblait s'enfoncer à mesure qu'il descendait la côte. Le perron disparut d'abord, puis les fenêtres. Le toit de chaume toucha le sol. La fumée, qui montait toute droite, devint moins épaisse, fut un nuage, une ombre, et il ne distingua plus rien de la campagne, blanche à perte de vue, hérissée par endroits de monticules et d'arbres dont les branches ployaient sous les flocons, comme sous des fruits lourds et savoureux. Alors il s'arrêta pour reconnaître le sentier, tâtant le sol du bout de son gourdin, avançant les pieds avec précaution. Des pierres roulèrent sous son sabot. Il recula d'un pas et prêta l'oreille. Un petit bruit sec de cailloux crevant la glace vint jusqu'à lui. Il murmura « Je suis dans la bonne route ». Et s'étant assis sur un tas de fagots, le manteau ramené sur les genoux, il réfléchit. Depuis 3 jours, la même pensée le tenait si fort que son cerveau s'ouvrait au point exact où il l'avait laissé, ainsi qu'un livre de chevet s'ouvre à la page 100 fois relue. Sa femme le trompait. Sa femme, qu'il avait prise sans un sou, elle le trompait avec Pierre le Bouvier. D'abord, il avait cru que c'était médisance de jaloux. Puis, à force de relire la lettre sans signature qui dénonçait les coupables, il avait fini par douter, puis par croire. Bien sûr, il avait eu tort de la prendre, si belle fille, si solide et si jeune, lui qui avait 25 ans de plus qu'elle. Il ne l'avait pas rendue malheureuse pourtant, satisfaisant tous ses caprices, attentif à ses moindres désirs. Elle était la plus riche et la mieux habillée du village. Et pour le récompenser de tout cela? Dans sa mémoire, 1000 souvenirs se bousculaient. Des silences, des mauvaises humeurs sans raison, des petites choses inexplicables d'abord, et qui deviennent si claires quand on sait. Malgré tout, il hésitait encore, et voulant en avoir le cœur net, prétextant un voyage, il avait pris, pour quitter sa maison, le sentier par où le galant ne manquerait pas de passer, afin de n'être pas rencontré sur la route. Au loin, il lui sembla entendre un bruit de pas étouffé dans la neige. Il courba l'échine et se ramassa sur lui-même. Le bruit devint plus proche. Une ombre se haussa en travers du sentier, grandit, et quand elle fut devant lui, il se dressa brusquement. « Halte là !» L'ombre s'arrêta. Camus distingua un homme, reconnut ses traits, l'empoigna au collet et lui cria dans la figure. « À ce coup-ci, je te tiens, crapule !»« Vous vous trompez, » bégaya l'homme. « Vous... » Camus se mit à rire, d'un rire terrible. « Ah ah, je me trompe. Tu n'es pas Pierre le Bouvier, peut-être ? Dis-moi un peu ce que tu viens faire par ici à cette heure. »« Tu ne réponds pas ? Je vais te le dire, moi. Tu vas chez ma femme, dans ma maison. » « Mais pas du tout !» Le vieux grinça des dents. Tais-toi, menteur, tu y vas. Tu voulais la voir. Eh bien, je vais t'y amener. Allez, marche. Et il le poussa de toutes ses forces, hurlant comme pour faire partir un cheval rétif. Allez, avance, Puisque je vous dis, répétait l'autre à demi étranglé, que je n'y vais pas. Avance. Puisque je vous répète. Et se débattant, l'homme glissa et tomba à la renverse. Pris d'une rage folle, Camus, le voyant à terre, se mit à lui taper sur la figure à coups de pied, à coups de poing. Le gars se releva d'un coup de rein, essuya d'un revers de main sa face éclaboussée de sang et lui cria. « Eh bien oui, j'y vais chez ta femme. Tu es content ? Et j'y retournerai, parce qu'elle ne veut plus de toi, elle ne veut plus !» Mais comme il ouvrait encore la bouche pour cracher des injures, le vieux lui abattit sa trique sur la tête. Il poussa un grand cri, recula de deux pas, s'effondra, disparut. Il y eut une demi-seconde de silence effrayant. Quelques cailloux roulèrent en claquant, un bruit se fit entendre, large, profond. Camus, le bâton à la main, les yeux dilatés, écouta. Rien ne remuait, rien ne vivait autour de lui. Il bégaya. Je l'ai jeté dans le ravin. Et tout d'un coup, la terreur au flanc, suant l'horreur et l'épouvante, il se mit à courir. En apercevant sa maison, un peu de calme lui revint, avec une sorte d'orgueil. Il se sentait plus grand d'avoir tapé si fort. Il levait le poing pour heurter au volet quand la porte s'ouvrit. Sur le seuil, il aperçut sa femme, qui, la lampe à la main, le corps penché, disait d'une voix tendre. « C'est toi, mon chéri ?» Il fut sur le point de lui sauter à la gorge et de crier avec une joie sauvage. « Ton chéri va le rejoindre dans le trou !» Mais il se ressaisit. « C'est moi, Camus !» Le rond de clarté que la lampe étendait sur la neige se mit à danser et la femme recula. Il entra. Sans rien dire, il défit son manteau, jeta sa casquette sur la table, retira ses sabots et s'assit. Il grelottait près du foyer ardent et parlait bas. J'ai manqué mon train, la route est si mauvaise. Il se leva. Si on allait se coucher. Dans le lit, il se remit à trembler. Il sentait sa femme près de lui, il écoutait son souffle, épiait ses mouvements et songeait avec une joie sauvage. Elle ne dort pas. Elle se demande pourquoi il n'est pas venu, s'il m'a vu, si je me doute. Et elle a peur, et nul ne connaîtra jamais la vérité. Si quelque jour on retrouve le corps, on se dira « Le Bouvier s'est trompé de chemin, et il est allé se jeter dans la carrière. » Mais peu à peu, une terreur l'envahit. Et si je ne l'avais pas tué pourtant? S'il allait sortir, mutilé, sanglant, et m'accuser et dire « C'est Camus qui m'a poussé. » À cette pensée, une vision de gendarme, de juge, passa devant ses yeux, et il enfouit sa tête dans l'oreiller. Au matin, il se leva, brisé de fatigue. La neige tombait sans arrêt. Tout le jour, il resta assis auprès de la fenêtre, les yeux perdus entre le ciel épais et la campagne blanche, regardant parfois sa femme aller et venir. Elle avait les joues pâles, les yeux battus, et tressaillait au craquement d'une branche, à l'aboiement sonore et lointain d'un chien de ferme. Elle se mit à coudre sans rien dire, puis laissa tomber l'ouvrage sur ses genoux. Le crépuscule descendit. La nuit vint. Camus, pour la première fois, rompit le silence. « À quoi penses-tu ? Tu ne peux plus coudre, il fait noir. » Elle murmura. « C'est vrai. » Et alluma la lampe. Il s'aperçut que de grandes larmes avaient laissé une traînée luisante sur ses joues. Il détourna la tête. Il ne ferma pas l'œil de la nuit, et au soleil levant, reprit sa place de la veille, près de la fenêtre, le regard invinciblement attiré vers ce même coin d'horizon, devinant sous le tapis plus épais et plus blanc le trou dans lequel l'autre avait roulé. Ce fut ainsi pendant 5 jours. Puis, un après-midi, la neige ayant cessé de tomber et le soleil jaunissant les nuages, il vit tournoyer un vol de corbeaux. Cela faisait, sur le ciel morne, une tache très noire et mouvante. De temps en temps, un des oiseaux se laissait choir, puis remontait, et d'autres descendaient, d'autres encore. D'abord, il suivit machinalement leur manège. Et soudain, leur cri traversant le silence, une réflexion lui vint. Mais ils sont au-dessus du trou. Alors, ils viennent là attirés par quelque chose, par une proie, par le corps de l'autre. Il repoussa sa chaise d'un geste si violent que sa femme leva les yeux sur lui, et regardant son regard, aperçut, elle aussi, les corbeaux noirs dans le ciel pâle. Il pencha la tête de son côté, l'œil allumé de haine. Une grimace tira sa figure ridée, il ramassa sa chaise, se frotta les mains, alluma sa pipe, se rassit, et se mit à fumer, les mains aux poches, les jambes allongées. La femme demeura immobile, regardant les oiseaux. L'un d'eux s'enleva plus haut que les autres, tenant une loque dans son bec. Le vieux se mit à ricaner, et la femme, les yeux grands ouverts, joignit les mains et se cacha la tête dans son tablier. Le jour baissait, l'ombre glissait des poutres au plancher. Les corbeaux, innombrables, montaient et descendaient d'un vol plus lourd, avec des appels moins stridents, et peu à peu, mystérieuse et calme, la nuit se ferma sur le ciel morne.